Les années passées, les plaies sont toujours aussi salées. Tu nous manques donc la nuit, je continue de rouler. Tous mes trophées diamantés ne t'ont pas ramené. Embrasse nos bijoux qu'on rejoint ton ciel étoilé. Ici les mentalités n'ont pas évolué. On se fait la guerre pour les mêmes raisons qu'au siècle dernier. Victor Newman est toujours là, tu n'as rien manqué. Je regrette ces soirées où le monde on le refaisait. J'ai peur de le faire tomber. J'ai peur pour les petits quand je vois le monde évoluer. L'argent, le succès m'ont appris à paranoïer. En parlant des petits, ils grandissent aussi, tu les voyais. Plus tu grandis, plus la vie devient plus compliquée. Les relations, les sentiments, j'ai plus quoi en penser. Plus déçu de moi que des autres en réalité. C'est fou comme tes conseils me manquent quand je me sens blessé. Chacun sa manière d'être en vie. Moi c'est dans vos sourires que j'ai appris. Chacun sa manière d'être en vie.